Oui, c'est intéressant parce qu'on peut se faire des versions, d'autres types de versions, tu sais, à part les morceaux qui existent déjà. Mais après, partir sur autre chose là. Oh putain, c'est encore déréglé ma Stratocaster, ça m'énerve. La Strato, elle se dérègle tout le temps. Je crois que c'est avec l'effet de la chaleur. Allez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un sol majeur normal, un sol majeur 7, un 6-7, un do open, j'ai un do, tu vois, puis comme d'habitude quand il fait en do mineur, mais ce sera plutôt un do mineur axé avec un mi bémol, tu vois. Je pense que tu as radio de crypte, mais dans une autre approche. Sol 7, hein. Thank you. Garde la ligne de basse, s'il te plaît. Ça me permet d'avoir un guide. Thank you. Thank you. Thank you. say to me, 84. Okay, Bird, 84. fais en deux fois cette progression, ça fait ça là.